en français. Voglia d'Italia. Pour voir l'Italie autrement, d'ici. Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare, contenti di veder decervellare. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chadè, strozzati tutti quanti allo steccato. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Envie d'Italie, avec Daniela à la technique et bonsoir. Irène au micro. Bonsoir Daniela. Donc ce soir, on va parler des cuisines. En fait, donc pizza, spaghetti, mandolino est bien la devise avec laquelle l'Italie est connue à l'étranger. Donc, c'est à partir de cela qu'on va parler des cuisines italiennes et du fait, en fait, que la cuisine est une partie importante de la culture d'un peuple. Donc, les rites du repas caractérisent le peuple. Et, mais ce qui peut, c'est un élément culturel important, mais qui peut sortir aussi de l'endroit où, qui normalement lui est consacré. Et donc, c'est ça notamment les cas de nos deux invités de ce soir. Donc, on aura Daniele De Michele, alias Don Pasta, qui est un DJ gastrophile et qui nous racontera ce que cela signifie. Et qui s'amuse à créer des liens entre la nourriture, les vins et la musique. Puis on aura Paola et Stefano du Théâtre de l'Ariete, qui, avec leur spectacle Théâtre da Mangiare, racontent leur histoire à une trentaine de spectateurs assis autour d'une table. Puis on aura le plaisir d'avoir en direct téléphonique de l'Italie la Funkids Laura qui nous racontera tout d'abord l'origine de son nom et son projet culinaire et la cuisine et quelques éléments de la cuisine érotique. Donc elle ne manquera non plus de nous livrer quelques petits conseils, mais aussi une sexy recette. Et puis, oui, ça c'est très intéressant. On attend donc impatiemment la Funkids Laura. Il faut bien prendre des notes pendant l'émission. Et puis, on aura aussi un moment consacré à la littérature, donc avec Élise Crouot qui nous racontera comment, d'une rencontre avec un poète chinois dans un potager, est né le livre Artichaut qui vient de sortir aux éditions Nid Obstat. Donc, c'est un hommage à ces légumes qui est en réalité une fleur. Donc, elle nous racontera un peu ce qui s'est passé entre elle et ses poètes chinois. Donc, je pense que, si tu es d'accord, on peut passer la parole à Daniele De Michele, donc, alias Don Pasta, qui donc, vient de sortir en France son livre « Wine Sound System » aux éditions Autrement. Et qui nous racontera de son expérience et de son activité qu'il mène à Toulouse, tout en gardant ses origines du sud de l'Italie et notamment des Pouilles. Donc on peut laisser la parole à Daniele De Michele. C'est parti. Bonjour Daniele, merci d'être avec nous aujourd'hui. Buongiorno. Bonjour. Alors, tu es connu aussi avec un autre nom d'art qui est Don Pasta. Ouais. C'est ça. Tu le traduis en français ou tu l'utilises comme ça? Non, je le garde comme ça dans le monde entier. Ok, tout le monde le comprend. Et ouais, c'est universel. C'est universel. Et en fait, tu es un économiste de formation et ouais. Tu es originaire du sud de l'Italie, des Pouilles, non? Du Salento, et aussi, par contre, tu es un DJ. Aussi. aussi. Ouais, ouais, je... Donc, à la base, je suis un DJ, et même si j'ai une formation d'économiste et que je n'ai pas beaucoup exploité, et je viens du talon de la botte, le Salento, au 30, pour la précision. Et quand j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à développer ce travail autour de la cuisine populaire italienne. Et en fait, tu es arrivé en France il y a combien de temps? Et j'ai vécu à Paris de 97 à 2000, et ensuite à Toulouse depuis 2006. Et tu as préféré le sud aussi en France? Ok, à un moment, là, j'avoue que les grilles de Paris commencent à être un peu fatigantes. Ouais, j'imagine. Après, il y a des manques de vitamine D qu'on connaît très bien ici dans la capitale. Alors, en fait, on t'appelle aussi un gastrophilosophe, c'est-à-dire un philosophe de la gastronomie. C'est toi qui as choisi cette espèce de définition ou pas? Oui, il y a quelqu'un qui me l'a dit et je l'ai trouvé suffisamment débile et dérisoire pour le garder, parce que ça veut rien dire au fond. Mais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est quelqu'un qui a bien mangé à la base. Ok, alors c'est ça en fait. L'axiome de cette philosophie, c'est savoir profiter en fait de la nourriture. Au fond, c'est vrai qu'on a... Je garde beaucoup cette culture qui, c'est vrai qu'en Italie, elle est profondément développée de la notion de fête autour d'une table, en fait, de dolce far niente, de prendre le temps, et ça, c'est toutes les règles de base de la cuisine. Donc, je respecte profondément le fait de rien faire en cuisine à part manger et boire. C'est super. Et parler avec les amis, quand tu dis, être ensemble, voilà, en fait. Bon, pour parler un petit peu de tes projets, parce que tu as fait plein de choses différentes, tu as commencé en fait avec ce projet qui s'appelle Food Sound System. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment il est né et pourquoi tu as eu envie de le faire? Le projet, il est né en 2006, quand j'ai commencé à mélanger dans la texte. À la base, c'était de l'écriture sur une recette, un plat, une recette et une chanson. John Coltrane et les lasagnes d'aubergine. Et ça me permettait de faire deux choses, donc jouer sur ma grande passion qui est la musique et en même temps parler de la cuisine populaire, en général la cuisine du Salento, mais aussi de la cuisine africaine, française, espagnole. Montrer comment on a un patrimoine gastronomique qui est un patrimoine culturel et populaire qui est à la base de toute une grande partie de notre culture, et de les défendre. Et pour les défendre, j'avais la métaphore de la musique qui me passionnait. Donc il en est sorti un livre qui est en Italie, qui s'appelle Food Sound System, est devenu un spectacle. Et ensuite, en arrivant à Toulouse, j'ai commencé à développer beaucoup plus la partie théâtre. Et voilà, c'est ça en fait. Tu as dû changer, tu as dû adapter ton spectacle à la France. Tu as essayé Pas plus que ça en fait. J'ai présenté mon spectacle, je l'ai simplement traduit. Et il y a quand même un background qui se rassemble beaucoup et qui permet de travailler bien sur cette notion-là. Et je trouve que ça a été pas mal pour de travailler en France aussi, parce que ça m'a permis de travailler beaucoup sur le théâtre, sur vraiment la technique théâtre. Mais en fait, alors, dans ton spectacle, il y a toi qui cuisine, qui fait la cuisine, et après, il y a deux musiciens et des images. Moi, je cuisine et en même temps, j'envoie les vidéos. J'explique les vidéos, je raconte des anecdotes et tout. Il y a des vidéos derrière de cuisine, des recettes de cuisine, et les musiciens qui m'accompagnent. Et les vidéos parlent d'anecdotes liées à ta vie personnelle? Ouais, en fait, ils parlent vraiment d'une partie un peu technique, de montrer comment ils se font les recettes, mais à partir de ça, c'est vraiment une sorte de métaphore culturelle à partir de la cuisine, en fait. Parler du respect des saisons, du métissage en cuisine, du respect des traditions, voilà. C'est vraiment un voyage de réflexion poétique, un peu rigolote ou engagée autour de la cuisine et de la culture. Moi, ça m'intéresse. Dans une interview que j'ai regardée en fait sur YouTube, tu parlais de ton projet Food Sound System et tu disais qu'avec ce type d'activité culturelle, parce que c'est une activité quand même culturelle, on peut faire de la démocratie d'en bas qui vient des tripes. Et ça m'a beaucoup touché. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. Les discours, c'est... Moi, je me suis retrouvé que face à des publics qui sont totalement différents, c'est-à-dire que autant une logique de théâtre, c'est important, autant parfois la politique culturelle a tendance à éloigner certains publics, et, tandis que la cuisine, elle est universelle. C'est un langage universel. Touche tous, dans quel n'importe quelle partie des pays. Je l'ai fait maintenant en Afrique et ça interpelle le monde entier. Et avec des discours forcément très simples, parce que pour expliquer une recette, il ne faut pas de grands mots. Et en même temps, il y a toute la poésie qui a toujours été dans les milieux populaires, comme Dario Fo, il a toujours démontré dans son théâtre, par exemple. D'ailleurs, tu me fais penser quand je lisais en fait, un petit peu voilà, des artistes ou ton travail, j'ai pensé à, je ne sais pas si tu connais, il y a un réalisateur sicilien qui habite à Paris aussi, qui s'appelle Stefano Savona, qui est pas mal connu, parce qu'il fait du documentaire. Il fait du documentaire sur plein de sujets différents. Et en fait, il a commencé un projet en Sicile, un projet documentaire sur tous les vieux métiers qui sont en train de disparaître. Et la chose qui m'avait beaucoup touchée, c'était que, en fait, il a interviewé des vieux marins, des pêcheurs, des gens de la campagne. Les questions qu'il posait, c'était des questions autour de la nourriture. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mangez? Et c'était génial, franchement, parce qu'à partir de cette question, en réalité, il racontait la nourriture, mais il racontait leur vie, en fait. Et c'était. Et je trouve que tu as raison quand tu dis voilà, c'est un langage universel qui peut vraiment toucher beaucoup les personnes. Oui, tout à fait. C'est vraiment c'est impressionnant comme ça permet vraiment de parler des choses importantes, parce que la cuisine a en elle vraiment tout ce que la politique a besoin de dire, c'est-à-dire la tolérance vers d'autres recettes, d'autres cuisines, le respect des saisons. Voilà, c'est des thèmes qui sont importants et en même temps, ils sont très simples, en fait. Et une petite question, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, parmi tes nombreuses recettes, s'il y en a une qui a adapté à un public parisien, par exemple, de cette saison? Écoute, moi, j'ai tendance plutôt à garder ma grande passion pour mes lasagnes d'aubergine, c'est comment on appelle en Italie la parmigiana, parce que partout où je la fais, les gens, dans n'importe quelle latitude, rigolent à fond, parce qu'ils voient que c'est un plat très, très, très lourd, énorme. Et en même temps, ça donne faim à tout le monde, en fait. Les gens, ils disent, c'est un suicide, mais j'ai envie de me suicider avec la parmigiane. C'est dangereux, la parmigiane. Moi, je trouve. J'ai des anecdotes par rapport à la parmigiane d'amis qui m'ont dit que... En particulier, un ami sicilien qui m'a dit qu'après une parmigiane, il a mis enceinte sa femme parce qu'il n'a pas pu... se contrôler. Et ça m'a toujours touchée parce que j'adore les... Voilà, mais ici, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils font quand même des enfants sans problème. Peut-être en Italie, il faudrait en manger plus. Oui, il faudrait plusieurs parmigiana par jour. Voilà, pour augmenter le taux de natalité italien qui n'est pas trop, trop fort, malheureusement. On passe alors à ce point-là, à parler de ton dernier livre. Donc, c'est One Sound System, qui est donc ton nouveau livre préfacé par le trompettiste sarde Paolo Fresu et qui vient d'être traduit aux éditions Autrement. Ouais. Donc, moi, si tu es d'accord, j'aimerais partir de la dédicace et te demander donc quelques questions. Bon, je vais la lire. Donc, c'est à ceux qui cueillent des grappes pour en faire du vin, les femmes, les clandestins, les paysans. Donc, et tu as expliqué ça? Moi, je me demandais pourquoi... On la trouve très chouette, en fait. Parce que moi, tout le travail qui... Je pense toute personne qui a envie de travailler autour de l'agroalimentaire, en général, de manger... de manger et boire, il doit d'abord reconnaître un élément fondamental, c'est qu'il y a des gens qui travaillent la terre, et qu'à la base de tout ce que tu manges, que tu bois, il y a toujours quelqu'un qui travaille. Et face aux mystifications, souvent autour de l'immigration, ça me fait rigoler beaucoup l'image des migrants qui font la grève de grappes, qui récoltent plus rien, et qu'enfin en Europe, il n'y a plus rien à boire. Et les gens désespérés qui, à ces points-là, ils demandent aux clandestins de faire ce qu'ils font d'habitude, de récolter les grappes pour nous. C'est un autre exemple de ce que tu disais tout à l'heure, que quand on parle de la nourriture, en réalité, on parle de tout ce qu'il y a derrière la nourriture, c'est-à-dire des gens qui travaillent, comme tu dis. Et je pense que s'il y avait beaucoup plus de conscience et d'attention à ce ouais. qu'il y a derrière, en fait, les choses qu'on mange, je pense que on pourrait changer plein de choses. Et je dis, c'est important de le rappeler aux gens, parce que j'ai l'impression que dans cette société un peu sclérosée, on oublie facilement ça, en fait. On oublie qu'il y a des liens qui nous relient aux choses et aux gens. Il y a une autre chose, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y a un changement carrément de comportement de gens. Avant, les gens, ils allaient manger des pizzas congelées, des trucs qui s'en fichaient totalement de ce qu'ils mangeaient. Mais non, c'est vrai qu'il y a un véritable changement de comportement de la consommation. Et en même temps, il y a une sorte de mode parfois un peu dangereuse, c'est autour de qu'il faut manger, ça devient très cher et tout, ça devient assez branché. Moi, c'est pas ça que je fais, en fait. C'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est raconter des histoires, et les histoires, dans ces cas-là, c'est des histoires populaires. Ok, donc pour continuer donc sur ton deuxième livre, en fait, on voudrait savoir comment est né ce deuxième projet. Donc pourquoi cette fois-ci, l'histoire et tout ce que tu racontes, c'est centré sur les vins. Je pense que c'est une séquence logique. D'abord, il fallait commencer par la bouffe, parce que c'est ça qui me passionne. Et d'ailleurs, après, qui ne manque pas dans ton livre, même pas ici, tu as des recettes. Mais jamais, il faut jamais qu'il manque. Non, après, par contre, c'était évident qu'il fallait continuer le jeu, parce que ça m'avait beaucoup amusé. Et bien évidemment, le faire d'une façon différente, jamais se répéter. Donc, les vins, ça m'avait beaucoup intrigué. Et aussi parce que je m'étais rendu compte que dans les mondes du vin, autant c'est parfois un peu sujet très bourgeois, les vins très techniques et très bourgeois, autant en même temps j'étais rentré un peu dans les milieux des vins naturels, des vignerons naturels, et j'avais rencontré certains personnages qui étaient assez passionnants, et qui à travers leur passion, ils avaient une sorte de cohérence qui m'intéressait beaucoup, et je me suis dit que c'était assez intéressant de raconter l'histoire de ces personnages, et que vraiment ils visent tout pour faire des vins qui sont parfois à risque, parce que c'est des vins qui naturels, donc ils sont parfois pas stabilisés. Je me suis dit que faire un travail autour du vin, c'était une sorte d'hommage à des personnages courageux, en fait. Je le voyais un peu comme quand on lit un peu les histoires des mouvements, des développements, de la fin du siècle dernier, de deux siècles avant, il y avait tous les artisans étaient les anarchistes d'une certaine façon. Et moi, ça m'a passionné de voir comment les vignerons, avec toute leur cohérence profonde qu'ils font, et en même temps du business, c'est leur travail, ils gagnent leur pain comme ça, en même temps ils le font d'une façon cohérente, ça m'intéressait beaucoup. Et toi, tu les avais rencontrés un petit peu dans tes voyages Oui, tout à fait. Donc le livre, il a été écrit avec Eugenio Mailer, qui est candide dans le livre, qui est un expert en vin. Il travaille dans l'agroalimentaire, notamment il travaille beaucoup avec Slow Food, et c'est lui un grand expert de vin naturel. Donc moi, quand j'ai eu envie d'écrire de ces livres sur les vins, j'ai vu que j'ai pas une connaissance exacte de la notion du vin. J'ai demandé à lui, et donc c'est lui qui a choisi les vins, et donc on est allé les rendre du vin de visite à la plupart d'eux. Voilà, c'est-à-dire que il choisissait les vins, et après tu allais rencontrer les gens, j'imagine, pour après nourrir ton spectacle, tes histoires. Oui, tout à fait. Ouais. Mais même dans les livres, il y a une partie de compte rendu de ces rencontres, en fait. Oui, ben en effet, justement, dans ta préface qui s'appelle « Petit conseil avant de descendre à la cave », je trouvais génial d'ailleurs, parce que ça donne vraiment à l'idée de commencer un petit voyage dans les vins. Mais tu parles justement du fait que vous vous êtes intéressé à l'agriculture bio et en particulier aux producteurs qui pratiquent le respect de la terre. Et que votre choix, ça n'a pas été de trouver les 30 meilleurs vins du monde, mais vous avez choisi un budget. Et de là, vous êtes parti connaître donc le caviste et les vignerons pour en parler en écoutant de la musique. Oui, c'est ça, en fait. Disons, moi, ça ne m'intéressait pas vraiment de faire... Je n'ai pas les connaissances pour parler du vent d'une façon rigoureuse. Donc, ce qui m'intéressait, c'était les histoires qui étaient derrière, les rencontres. Et un peu aussi démystifier tout cette... Voilà, tous ces mondes du vent, un peu bourge, un peu les gens ils se la pètent avec leur verre à la main et tout. Et c'est vraiment pas ça en fait. C'est, les mondes du vent, c'est vraiment du boulot. C'est des gens qui bossent comme des fous pour chercher vraiment de réaliser les rêves, de gagner leur pont avec leur passion en fait. Et c'est ça qui nous a amené à vouloir écrire ces livres. Est-ce que tu aurais envie de nous raconter une petite partie du livre celle que... C'est long en fait. Il y a deux choses qui sont l'opposé l'une de l'autre. Donc le premier, c'était un peu quand même assez rigolo avec Eugenio. Donc notre session de dégustation musicale, c'était un peu dangereuse. Donc on en faisait 3 jours par mois. Et dans ces 3 jours, par contre, donc on prenait 10 bouteilles et on cherchait les sons pour chaque bouteille, ce qui était un peu un exercice un peu vide, mais très très amusant. Et donc en fait, on ouvrait la bouteille et jusqu'à quand on ne trouvait pas la chanson, il fallait continuer à boire. Et voilà. Donc c'est ça la résistance. En fait, c'était un exercice de résistance. On est assez entraîné quand même. Donc. et par contre, après, il y a l'autre chose qui est par contre très très belle, c'était donc la rencontre de plusieurs vignerons. Et il y en a un qui, notamment, qui s'appelle Olivier Julien, qui est un vrai génie du vin naturel. C'est quelqu'un qui est très très fort. Et donc, qui nous a raconté que lui vient d'une famille de syndicalistes de coopératives de vin en Occitanie. Et à un moment, donc une grande tradition, voilà, de contestation, de lutte syndicale de la part de son grand-père et de son papa. Et lui, à un moment, il est sorti de ça, il a voulu faire du vin bio avec sa petite production. Donc, sortir du mécanisme des caves coopératives socialistes. C'est qui a bouleversé tous les équilibres familiales parce que tous ils attendaient que lui il continue à travailler dans la coopérative. Et lui il dit moi je pense que j'ai fait la même bataille avec une modalité différente mais qui a le même objectif, c'est avoir un monde meilleur. Et c'est assez bouleversant d'entendre ça par un petit vigneron qui à la place de juste vendre son bon, il te raconte des histoires d'engagement, véritable engagement. Et des familles aussi, c'est... Voilà, donc c'était un peu ça ce que j'allais chercher un peu partout. Okay. Juste une dernière question sur ton livre. À la fin, tu donnes les conseils pour jouer au Wine Sound System. Donc, si tu veux nous expliquer les règles. Je suis curieuse de savoir s'il y a quelqu'un en fait qui t'a envoyé le compte rendu des soirées. Parce que tu laisses ton adresse mail justement pour recevoir. C'est très rigolo parce que les gens après ils se prêtent au jeu et ils disent et tu vois ils se moquent d'eux-mêmes parce qu'ils disent on est bêtes comme dans le passe-temps en fait, on fait les mêmes erreurs. Tu vois. C'est assez rigolo, ouais. Il y en a quelques-uns qui m'envoient de temps en temps leurs tests parce que c'est beau parce que c'est un jeu entre copains en fait ce qu'il me raconte, c'est que vraiment il passe une très belle soirée. Donc au fond, les choses, c'est qu'on conseillait de faire exactement ce qu'on a fait moi et Eugenio Candide, c'est-à-dire de prendre un vent et prendre le temps de se raconter l'histoire de ces vents et après de chercher la musique. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe de faire le anchorman, le modérateur, en fait, de diriger la discussion. Et c'est lui qui gère l'ordi avec toute la musique. Et donc les gens, ils boivent et à un moment, ils disent des noms de musiciens et lui, il vérifie si c'est juste ou pas. Donc en fait, il y a des grands débats. Écoute, débats autour de ça. On va essayer de le faire aussi, nous, prochainement, ici à Paris. D'ailleurs, je voulais te demander si, parce que je sais que tu joues des spectacles, tu fais des soirées dans le sud, est-ce que tu vas monter à Paris Ouais, donc notamment le 14 septembre. Oui. L'Institut italien de culture à Paris il m'a invité pour faire mon spectacle, donc ça va super. Se faire, je pense d'ailleurs on va le faire dehors dans les jardins de l'Institut italien de culture, donc super. C'est 14 septembre. Et sinon, si on vient dans le sud, il y a un site pour te suivre. Il y a plein de choses qui vont se passer, ça suffit de regarder mon site dompasta.com, c'est mis à jour, ou m'écrire sur info@dompasta.com pour être dans la mailing list. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Ciao à tutti. Grazie. Grazie. Bon appétit. Ciao. Ciao. Ciao. Merci. Ciao. Donc alors, merci encore à Don Pasta. Et pour lui faire un petit hommage, on va maintenant écouter un morceau de Patti Smith, parce que dans son livre, il y a un chapitre dont le titre est « Langue rouge, Sonic Youth et silence », dans lequel il dit, et je cite, « Le rock est mon la maternelle. Je me hasarderais presque à dire que Patti Smith est ma mère et Joe Strummer mon père. » Donc, on va écouter Kimberly de Patti Smith de l'album Horses de 1975. A parte che ho detto là, a parte di lei, però va bene. The wall is high, the black barn, the baby in my arms, in her swaddling clothes, and under her sun. The sky will split, and the planets will shift. Jade will drop, and existence will stop. Little sister, the sky is falling. I demand. Little sister, the fates are calling on you. Stand again in this electric whirlwind. The sea rushes up my knees like flame, and I feel like just some misplaced Joan of Arc in the cause as you looking up at me. Oh, baby, I remember when you were born. It was dawn in the storm, settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit at the gas, in the lid. In the void wind, flash in the sky, split, and the planets hit, balls of jade. One hand I rocked you, and with one heart I reached for you. I knew your youth was for the taking, fire on the mental plane. So I ran through the fields as the bats with their baby bane faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attacked that some will make it go crack. Some will make it go crack. Some will make it go crack. Some will make it go crack. The palm tree. Kimberly, and I can gaze deep in your starry eyes. alors après avoir parlé de, donc, des musiques et des cuisines, on va maintenant parler de cuisine et théâtre, notamment avec le Théâtre de l'Ariette, donc avec Stefano. Et en fait, bon, il va très bien raconter leur histoire, donc je ne veux pas vous dire plus. D'ailleurs, ils viennent de jouer leur pièce, donc le Théâtre da Mangiare au Festival des Dents et Dehors qui a eu lieu ce week-end, enfin le week-end dernier à Brétigny-sur-Orge. Et ils ont joué aussi l'année dernière à Paris avec leur spectacle, toujours le Théâtre da Mangiare, au Théâtre de la Villette. Donc, je vous laisse écouter ce que Stefano nous a raconté quand on l'a interviewé. Bonjour, Stefano, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et on commence tout de suite à parler de ton expérience, de votre expérience, de toi et de ta femme, Paola. Alors, en 1989, vous êtes partie vivre et travailler à la campagne. Vous avez repris des terres familiales abandonnées. Oui. 3 hectares au milieu d'une petite vallée sauvage dans la commune de Serravalle, qui est à peu près à 30 km de la ville de Bologne. Et vous avez décidé de devenir des agriculteurs. Et je voulais savoir pourquoi vous avez, à ce moment-là, décidé de choisir ce chemin. Avant, on travaillait au théâtre. Et peut-être qu'en 89, les théâtres étaient devenus pour nous un territoire un peu aride. Mm-hmm. C'est-à-dire, peut-être il n'y avait plus grand-chose à dire. On se sentait pas bien dans ce milieu. On avait l'impression d'avoir perdu les sens de notre faire mm-hmm. théâtre. Et voilà. Et l'occasion a été cette ferme abandonnée qui était à mon grand-père. Et donc ça a été un choix, mais pas complètement. Mm-hmm. Ça a été aussi du hasard. Mmh. Avoir cette petite ferme et essayer de changer de vie, de quitter la ville, quitter le milieu théâtral et chercher dans la vie, dans la vérité des terres, des champs, des animaux, quelque chose dont probablement on avait besoin. Nous avons passé plusieurs années, 4 ou 5 années, sans penser au théâtre. Il était oublié complètement. Mais peut-être que la richesse de cette nouvelle expérience nous a donné envie de parler et de partager cette expérience qu'on était en train de faire. Et alors là, le théâtre est retourné dans notre vie parce que c'était les moyens qu'on connaissait pour partager des idées et des expériences. Mais ça a été différent de ce qu'on faisait avant, parce que nous avons recommencé à jouer du théâtre, mais chez nous. Nous n'avons pas cherché de théâtre, nous n'avons pas cherché d'autres situations, mais nous avons recommencé à jouer le théâtre chez nous. Et c'était un théâtre très proche de nos vies, qui parlait de notre nouvelle expérience et qui amenait en soi quelque chose de très matériel aussi, qui étaient les produits qu'on avait appris à produire, à tirer de notre terre, des champs qu'on travaillait. Et c'était quelque chose de différent. Et dans notre nouveau théâtre, il n'y avait plus une séparation physique entre les comédiens et les spectateurs. Mais on jouait dans un endroit partagé, forcément partagé, parce qu'au début, c'était une petite salle de la maison des 6 mètres sur 4. Donc, c'était tellement petit, on ne pouvait pas imaginer de séparer la scène des spectateurs. Mais ça nous a fait découvrir cette idée d'un théâtre partagé dans la pensée, les idées, les émotions. Et en fait, là, tu es en train de parler du théâtre da mangiare, le théâtre à manger. Donc, c'est les spectacles que vous avez mis en place donc après ces 6 ans où vous vous êtes consacré à la terre. Donc vous après donc vous avez mis en place ce nouveau théâtre. Oui, ça n'a pas été vraiment le premier, hein. Nous avons joué, créé d'autres spectacles, nous avons travaillé aussi avec des vieux paysans d'ici qui avaient été déportés dans les camps de concentration ou qui avaient été partisans pendant la Deuxième Guerre. Mais après quelques années, autour de l'année 2000, nous avons créé ce que tu dis, théâtre à manger, où là, complètement, la nourriture est entrée dans notre théâtre. Et c'est justement au centre du spectacle, et c'est un spectacle où les spectateurs, donc c'est maximum une trentaine de spectateurs, sont conviés donc à partager un repas préparé par vous. Donc vous jouez votre spectacle et au même moment vous faites la cuisine, vous préparez un repas. Exactement. Et donc est-ce que tu as envie de nous décrire un peu comment ça se déroule ce spectacle? Oui, d'abord comme tu as dit, il y a une grande table de 6 mètres sur 2 qui est le centre de la scène, parce que autour de cette table les spectateurs sont assis et autour, encore des spectateurs, il y a des tables, il y a le feu, la cuisine, et nous travaillons, et nous préparons le repas, et nous servons l'eau, le vin, les légumes. Alors, les gestes de notre théâtre ne sont pas des gestes de danse, ne sont pas des gestes esthétiques. Toutes les actions sont des actions fonctionnelles, qui sont les actions, les gestes, les sons, les bruits qu'on fait quand on fait la cuisine pour quelqu'un. Et pendant la création et la dégustation de ce repas, nous racontons tout simplement une partie de notre vie. Donc c'est un spectacle très autobiographique. Notre expérience d'homme, de femme, de comédien devenu paysan, des gens, des jeunes devenus un peu plus vieux, du temps qui passe. Et bon, il y a toutes les choses qui nous ont touchés dans notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, la nourriture n'est pas arrivée comme idée dans ce spectacle, mais c'est plutôt parce que... la nourriture, les matières premières sont devenues une expérience de notre vie. Donc nous utilisons la farine du blé bio que nous cultivons aux arriettes dans nos champs. Il y a nos légumes. Donc ce sont des morceaux très importants de notre vie que nous partageons avec le spectateur. Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter de liens qui sont créés, des choses qui t'ont touché particulièrement? Je sais que vous avez joué énormément ce spectacle, mais peut-être il y a quelque chose... Il y a beaucoup de choses touchantes qui se passent autour de la table. Et c'est ça, c'est pas une anecdote, c'est un peu générique, mais la chose qui se passe presque... toujours, c'est que quand je parle, quand nous parlons de notre amour ou de notre deuil ou de nos joies, toujours le spectateur, en nous écoutant, en réalité, ils font revivre en eux leur joie, leur deuil, leurs amours, leurs histoires. Et ça, c'est, disons, assez universel. Ça se passe en Italie, quand nous jouons en Italie, mais même quand nous jouons en France ou en Suisse ou en Espagne. Et les choses, disons, très sympas qui se passent, par exemple, quand on joue dans un village de campagne, souvent, à la fin du spectacle, quelqu'un nous dit « Ah, c'est très bien ce spectacle » et nous aussi, nous le jouons presque chaque dimanche avec les gens de notre famille, parce qu'on se raconte les vies, l'histoire. Mais par contre, quand on joue dans les grandes villes, cette idée de la grande table qu'on vit pas toujours, disons, produisent vraiment un sentiment très fort de nostalgie de cette idée d'une table comme si c'était une table des ancêtres. C'est vrai que le rite se répète, mais comme le théâtre, comme la nourriture, se refait à nouveau chaque jour, parce que je fais toujours les tagliatelles, qui sont les centres de ces spectacles. D'ailleurs, Stefano, c'est toi qui fais les pâtes, il faut le dire. Hein. C'est pas Paola, c'est oui, toi. C'est pas les femmes font la pasta fresca. Mais disons, ce sont les temps qui changent, heureusement. Moi, j'aime beaucoup faire la cuisine. Comme tu disais, j'ai passé mon enfance dans la cuisine avec ma grand-mère. Je la regardais. Pour moi, elle était comme une sorcière, une magicienne qui transformait les choses et qui faisait des œuvres d'art belles à voir, belles à écouter et aussi bonnes à manger. Donc, après, comme tu as dit, mélanger avec ces rites du partage de la table qui, je pense que les catholiques l'ont pris, mais qui a toujours existé dans la civilisation humaine. Bien sûr. Et voilà. La passion que j'ai toujours cultivée dans ma vie, la transformation des matières premières en nourriture m'a toujours fasciné. Donc, c'est moi qui fait les pâtes. Et d'ailleurs, tu as envie de nous raconter la recette des tagliatelles que vous proposez à vos spectateurs? Ah oui, parce que c'est une recette très très simple. La seule chose difficile est apprendre un peu à faire les pâtes fraîches, les tagliatelles. Parce que la pâte fraîche pour les tagliatelles, c'est fait très simplement en mélangeant chaque 100 g de farine à œuf. Oui. Donc on mélange bien, on pétrit 10 minutes, ça doit être bien pétri, et puis on laisse reposer les pâtes bien couvertes. Après 2 heures, je commence à étaler la pâte, et voilà, ça c'est ce qu'on doit apprendre avec l'exercice. Ça a l'air simple, hein, dit comme ça. Ça a l'air simple, mais bon, il faut avoir un rouleau, et puis faire de l'expérience. Chaque jour, possiblement, c'est comme ça qu'on apprend. Mais quand elles sont faites, sont bien étalées, il faut laisser reposer encore. Et quand elles sont un peu plus sèches, mais pas trop, parce que sinon c'est casse, on fait comme un rouleau, non? Un rouleau, voilà, et on les coupe avec les couteaux. Et ça, ce sont les tagliatelles. Et puis la sauce, c'est une petite transformation d'une sauce que sûrement tout le monde connaît, parce que c'est le pesto. Mais qui a changé selon les produits de notre ferme. Comme les basiliques chez nous, on l'a seulement l'été, et comme ici, il n'y a pas de pain maritime, maritime. Les pignons. Parce qu'ici, chez nous, il fait froid, et c'est plutôt proche de la mer qu'on a ça. Donc, nous avons transformé ces deux produits, les basiliques, nous avons commencé à utiliser les romarins, et pour les pignons, nous avons commencé à utiliser les noix. Et donc, on prend chaque personne plus ou moins une noix, on prend un tout petit peu d'ail, un tout petit peu de romarin, un tout petit peu de sel, on écrase tout bien dans les mortiers, et puis quand il est bien écrasé, on rajoute une petite cuillère de parmesan râpé et une cuillère d'huile d'olive extra vierge, le meilleur. Et puis, on laisse, après avoir mélangé, on laisse reposer une journée, si c'est possible, pas l'utiliser tout de suite. Et surtout, avant d'utiliser cette sauce, de la mettre sur les pâtes, il faut prendre un peu d'eau de cuisson des pâtes pour faire fondre un peu la sauce, l'allonger avec cette eau déjà bouillante, salée, où vous avez déjà jeté les pâtes. Et puis, Et manger chaud. Et est-ce qu'ils peuvent parler, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas vu le spectacle. Est-ce qu'ils peuvent interagir avec vous? Alors, l'interaction, normalement, est une interaction d'émotions, des regards, de regards et de petites choses. Mmh. Disons que ça arrive de temps en temps qu'il y a quelques mots, mais disons que ce n'est pas dans l'esprit du spectacle, du spectacle que l'interaction soit trop... présente, oui. Oui, mais surtout trop extérieure. C'est plutôt à la fin que vous vous arrêtez pour parler donc avec les spectateurs. Voilà. Parce que bon, moi, j'ai vu plusieurs de vos spectacles, donc je peux dire que ça vaut vraiment la peine de venir. Et d'ailleurs, vous avez été à Paris aussi l'année dernière à la Villette. Vous travaillez souvent en France et en Espagne aussi. Donc. Mais ce qui se passe dans ce spectacle et dans d'autres spectacles, mais dans ce spectacle en particulier, c'est que le spectacle se termine, mais il ne termine pas vraiment. Et c'est-à-dire que à la fin, les tagliatelles arrivent sur la table et le spectacle pensé comme rite préparé et géré par nous, par moi, Paola et Maurizio, s'arrête là, avec le service des tagliatelles. Nous sortons 5 minutes et puis nous rentrons et nous sommes assis à la table avec les spectateurs. Et là commence ce que j'appelle la deuxième partie du spectacle qui n'est pas préparée et qui est la partie où les spectateurs commencent à parler, à poser des questions, à discuter avec nous, s'ils ont envie, évidemment. Et normalement, ça se passe comme ça, qu'il y a encore une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, où, avec les tagliatelles, on parle, et c'est une partie libre, mais qui est important exactement comme, disons, la première partie du rite qu'on a préparé et réalisé chaque soir. D'ailleurs, pendant votre spectacle, il y a aussi la place pour la musique. Donc, vous êtes des amateurs de Tom Waits. Ah, oui, oui. Donc, c'est vrai que je me rappelle bien que tu as traduit la chanson Jersey Girl de Tom Waits en l'adaptant, disons, à la géographie de Bologne. Oui. Donc, en fait, le fleuve américain, c'est devenu la ville. Oui. Donc et en plus, votre amour pour Tom Waits, si je me souviens bien, vous essayez de le transmettre aussi à vos lapins. Enfin, vous faites écouter à vos lapins la musique de Tom Waits. Oui. C'est ça, ça continue comme ça vous... Disons, Tom Waits est vraiment un grand amour artistique. On l'aime beaucoup et... Presque dans tous nos spectacles, il y a quelque chose de Tom Waits. Mm. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup et comme nos spectacles sont autobiographiques, très autobiographiques, il y a toujours quelque chose qui n'est pas produit par nous, mais qui nous touche, qui est présent dans notre vie. Donc, Tom Waits a la bande sonore de théâtre de Mangiare, mais aussi dans d'autres spectacles, il y a sa musique et ses chansons. Parce que sont pour nous une inspiration constante. Je sais aussi que vous organisez un festival annuel, en fait, de théâtre de proximité en Italie qui s'appelle A Teatro nelle Case, au théâtre dans les maisons. Et vous continuez à organiser cette activité? Nous continuons à travailler aussi sur l'organisation et l'hospitalité parce que nous avons travaillé comme maçons et nous avons bâti par nos mains un petit théâtre au milieu de nos champs qui s'appelle Deposito Attrezzi et qui est un édifice rural qui peut accueillir le blé, mais qui accueille notre théâtre. Et nous jouons nos spectacles dans cette petite structure. Et nous faisons aussi l'accueil d'autres spectacles, d'autres compagnies. Les projets du festival, disons malheureusement, ces dernières années, la dernière année a été interrompue parce qu'en Italie, la situation des aides de soutien à la culture, qui était déjà assez difficile, est devenue presque impossible. Donc nous continuons, mais dans des formes plus légères, parce qu'on n'arrive plus à soutenir un festival avec les riens d'argent qu'on arrive à avoir des institutions publiques. Parce que, bon, avec cette histoire de la crise, je pense, et surtout du gouvernement italien, qui n'est pas très ami de certaines choses, ils ont pris l'occasion de couper vraiment les tout petits peu d'argent. Et là, ça devient toujours plus, j'imagine, un théâtre aussi de la résistance, c'est-à-dire que... Oui, ça devient un théâtre absolument nécessaire, et donc c'est pour ça qu'on continue à les faire. Mais c'est vrai qu'il faut utiliser la tête, l'intelligence, pour pouvoir résister en temps difficile. Et donc, il faut être encore plus léger qu'avant, faire de belles choses, mais... essayer de vivre avec très peu d'argent. D'ailleurs, vous avez travaillé aussi avec d'autres artistes qui ont pris part à vos spectacles. Je pense notamment à Gian Maria Testa, qui est bien connu aussi en France. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, nous avons travaillé et de temps en temps, nous travaillons avec lui parce que, bon, on s'est connus autour de la table du spectacle Théâtre da Mangiare parce qu'il y avait... dans la bande sonore de ce spectacle, il y avait beaucoup de Tom Waits, mais il y avait une chanson à Gian Maria Testa. Et donc, nous l'avons invité, il est venu et on est devenus amis. Et d'après ça, de temps en temps, on se rencontre et on joue ensemble un spectacle qui s'appelle Vite, dans le sens de les vies. Et le 1er mai de cette année, il est venu dans notre petit théâtre au milieu des champs, comme signe aussi de résistance, pour faire un concert ici, chez nous. Et ça, c'est toujours très, très beau. Ah, c'est sûr. Bah, on te remercie beaucoup pour ce partage aussi. Et est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure cette interview par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Micro 3. Oui. Bon, c'est que c'est vrai qu'en ces temps, le théâtre est une chose qu'on aperçoit souvent comme une vieille chose à mettre au musée. Mais dans l'âme du théâtre, il y a le rite. Et je pense que chaque homme nécessite, monde a besoin du rite. Et les rituels du rencontre, du partage, de la communication qu'on peut faire autour d'une table, je pense que c'est une idée nouvelle pour les mondes qui viennent, les futurs, pour pouvoir partager le même globe entre Italiens, Français, Africains, Indiens et tout ça. Nous avons besoin de ça, je crois. Bientôt. Moi, au moins, j'en ai besoin et donc je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Alors, merci encore à Stefano. Donc, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en ville d'Italie. Donc je vous rappelle aussi le site internet du Théâtre de l'Ariete qui est www.theatredelariete.it et vous trouvez aussi la page du théâtre sur Facebook. Vu qu'on a parlé de Tom Waits, on va maintenant écouter donc le morceau qu'on a évoqué. Donc on va écouter Jersey Girl de Tom Waits. time for the corner boys. Down in the street making all that noise. No one, no horse on 8th Avenue. Cause tonight I'm gonna be with you. Cause tonight I'm gonna take that ride. Cross the river to the Jersey side. Take my baby to the carnival. And I'll take you all over. All right. Down the shore, everything's alright. You and your baby on a Saturday night. Don't you know? My dreams come true when I'm walking down the street with you. Sing, shout. Encore en direct on va avoir Madame la Funky Daura avec nous. Je vais juste dire quelques mots pour la présenter. En fait, moi, je l'ai connue il y a quelques mois pendant un dîner spécial où elle m'a gâtée avec une petite recette des figues caramélisées et avec du roquefort. Donc, bienvenue à la Funky Daura. Bienvenue à vous aussi. Merci de m'avoir appelé. Voilà. Bah, merci à toi d'avoir accepté d'être en direct avec nous, donc directement de Bologne, en Italie. Donc, tout d'abord, il faudra que tu nous expliques ce que Funkis Daura veut dire, parce que c'est lié à l'argot de Bologne. Donc, je te laisse la parole pour expliquer. Funkis Daura, en fait, c'est composé par Funky et Sdaura. Et Sdaura, ce n'est pas facile à prononcer ni à traduire en français. J'ai demandé à tous mes amis qui m'aident à donner une traduction de ces mots. Et Sdaura, il s'agit d'un mot qui est en dialecte de la tradition de la région Émilie-Romagne, veut dire que c'est la femme au foyer, la femme de la maison, celle qui connaît tous les secrets pour que la maison fonctionne, non? Alors, où faire les courses, ce qu'il faut acheter selon les saisons, comment résoudre les petits imprévus dans les foyers, par exemple, comment ôter une tache de vin, comment réduire l'odeur de choux quand on les cuit et tout ça. Bon, et tout ça, je l'ai pris de ma mère, de ma grand-mère. Donc c'est vraiment la tradition familiale. Oui, c'est ça. Mais ce qui fait la différence, c'est que moi, je ne suis pas seulement un Sdaura, je suis aussi en même temps funky, c'est-à-dire que la funky ménagère, on peut l'appeler comme ça. J'aime bien ce mot, ça rend bien l'idée en français. Oui, c'est ça. Mettre à profit les conseils et les secrets appris par les ancêtres et les réadapte au temps et aux exigences d'aujourd'hui, de la société, on peut la définir post-moderne. Donc, être funky veut dire être hors des règles strictes et des parce que funky veut dire pouet, et donc des pouets de vitalité et de créativité. Donc être funky d'ailleurs, funky ménagère, c'est ça. très bien expliqué. Donc en fait, toi, tu as un projet donc, qui est né en 2007 et qui s'appelle Culinaria, oui. Dont la cuisine érotique est une partie, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. En fait, Culinaria est un collectif formé par moi et autres deux jeunes femmes très créatives et explosives qui s'appellent Anna et Elisa. Et donc, Culinaria est un projet qui est né en 2007 de la passion pour la cuisine. Et pour Culinaria, préparer des plats, un dîner ou un apéritif ne signifie pas simplement faire de la cuisine. Donc, ça dépend de la situation, du lieu, du type de soirée. Donc là, on va proposer chaque fois un événement culinaire ad hoc. En fait, j'ai vu que... La cuisine devient, comment dire, une forme d'expression, une performance artistique, un moyen de communication. Et comme tu disais, Culinaria est très forte, surtout dans la cuisine érotique. Donc, il y a la suprême experte de l'art culinaire érotique, que c'est Anna, et que c'est juste ici à côté de moi. Ah, ok. Bonjour, Anna. Eh bien, elle est dans l'autre chambre parce qu'en fait, je suis un petit peu comme ça, agitée. Et donc, en fait, après, on va parler un peu mieux de la cuisine érotique. Ça nous intéresse beaucoup. Ouais. Mais avant, donc, pour parler toujours de Culinaria, j'ai vu que vous avez pris parti à des différents festivals aussi. Vous travaillez aussi avec Gusto Nudo. Oui, c'est ça. Donc, vous faites des dégustations thématiques aussi avec Gusto Nudo. Donc, vous liez les vins, la nourriture. Oui. Oui, on va associer des plats à un particulier type de vin et donc on les goûte ensemble. Puis après, on va décider quelle recette préparer parce que le vin soit valorisé et donc pour que les goûts de vin et les goûts des choses à manger soient liés. Ok, ok. Donc ça, c'est vraiment, disons, une déclinaison plus classique entre cuisine et vin. Ouais. Mais vous avez travaillé aussi avec le Locomotive Club donc de Bologne. Oui. Donc là, par contre, c'est toi aussi qui intervenais avec, donc t'accompagnais le dîner avec de la musique. Oui, c'est ça. En fait, là, on avait une programmation de concerts. Et donc, on avait préparé des plats qui étaient liés au groupe musical qui jouait la soirée. Et donc, c'était des apéritifs musicaux. Ok. Donc, je pense que là, le moment est arrivé de parler donc, de la cuisine érotique. Mm-hmm. Donc, tu vas un petit peu nous raconter déjà d'où ça vient cette idée et quelles sont donc quelle est l'idée à la base de ce type de cuisine. Ok. Mais bon, alors, je veux dire avant tout ce que on trouve plein de choses sur la cuisine érotique aujourd'hui, non? Livres, essais, conseils. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, il s'agit de banalités ou des généralités à but commercial. Mm. Et donc, par exemple, quand on parle d'aliments aphrodisiaques, et donc c'est vrai qu'il y a des aliments comme les piments ou les testicules de taureau qui ont des propriétés particulières, mais il faut se rappeler qu'ils ne sont pas magiques. Ah, et okay. Donc, par exemple, prenons les piments. La substance chimique qui donne aux piments la puissance s'appelle capsaïcine, qui est contenue surtout dans les grains. Mais donc la capsaïcine provoque l'émission d'endorphines et une sensation de plaisir ou d'euphorie, non? Et mm-hmm. donc, en plus, les piments, c'est riche en vitamine C et donc va augmenter les flux sanguins. Mais ça va pas dire que c'est comme l'effet du Viagra. Donc, ce sont des effets plus doux. Okay. L'importante, selon Culinaria, c'est que quand on s'apprête à préparer un plat érotique, l'importante, c'est de stimuler l'imagination et les fantasmes, parce que le cerveau est la plus grande zone érogène de notre corps. Donc, Culinaria part de cette idée. L'érotisme est avant tout un état spirituel. Et la cuisine n'est pas aphrodisiaque si on ne la désire pas. Donc, si on souhaite qu'il soit aphrodisiaque. Donc, il faut bien préparer tout, l'atmosphère, l'ambiance, la prédisposition de l'âme et tout ça. Donc, l'érotique, ça commence de ça. Ça commence avant de commencer à cuisiner. Et après, on peut choisir des aliments particuliers, tout ça. Mais c'est avant tout donc un état spirituel. Ok, donc il faut préparer l'esprit avant de commencer les dîners. Et en fait, j'ai lu donc, que vous, vous souhaitez aussi créer une ambiance qui soit, enfin, qui met les deux personnes à l'aise. Donc, ouais, c'est ça. C'est aussi le fait de manger avec les mains. Ouais, c'est puis, parfait. Il y a quoi d'autre aussi, enfin. Ben bon, on peut s'asseoir dans un tapis plutôt qu'être asseoir dans une chaise, mm-hmm. ou bien on peut enlever les fourchettes et les couteaux et utiliser les mains et tout ça. Et après, on peut faire beaucoup de jeux. En fait, nous, on a fait, on a aidé aussi un jeu de société coquin, et qui s'appelle Cuisiner l'embarras. Et donc là, c'est un jeu qui fonctionne plus ou moins comme Monopoly ou les jeux de loi, avec tous des imprévus, des défis et tout ça. Donc, il y a les joueurs qui lancent les dés et tombent sous différentes cases. Et chaque case contient un défi, un imprévu et tout ça. Ah, ok. Donc, c'est intéressant. Il faut que tu nous donnes les règles pour jouer à ces jeux. Et donc, maintenant, on va parler alors du menu. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait cuisiner à cette occasion? Mais bon, regarde-moi et je vous donne une recette qui est contenue dans les jeux que je vous parlais avant, donc mm-hmm. les jeux Cuisiner l'embarras. Et donc, c'est une recette très simple avec des piments. Comme okay. je disais, les piments, quoi, la capsaïcine, donc c'est bien. Alors, je donne la recette tout de suite, comme ça? Oui, si tu veux. Okay. Alors, on va prendre des notes. Ok, on commence par l'ingrédient. Alors, il faut plus ou moins 10 petits piments. Et s'ils proviennent de l'Italie, c'est mieux parce qu'ils sont plus piquants. De la Calabre ou Bon, du sud de l'Italie, c'est différent. Ok. Ok. Et après, il faut 10 ou quelques capres au sel, et quelques pistaches, et 3 cuillères à soupe de sucre semoule, 3 cuillères à soupe d'une bonne huile, aussi italien, c'est bien, et 70 grammes de fromage frais. Okay. Et quel fromage? Moi, j'utilise un fromage comme la Robiola, un fromage comme ça. Donc, c'est un fromage mou. Oui, c'est ça. Parfait. Bon, on va à la préparation. Alors, okay. Il faut préchauffer les fours à 120 degrés. Et après, il faut couper les piments au ras de leur pédoncule. Et si vous voulez, vous pouvez retirer les grains, mais ça va enlever un petit peu de capsaïcine. Donc, si vous voulez, vous pouvez les garder. C'est mieux de les laisser, ok. Oui, c'est mieux de les laisser. Et bon, il faut s'aider avec un couteau bien pointu pour ne pas, pas endommager les piments. Bon, et après ça, il faut mélanger l'huile avec le sucre semoule et verser ces mélanges coulants dans chaque piment. Et à l'aide d'une très petite cuillère. Et après, il faut les déposer sur un petit plat et mettre dans le four. Et les arroser avec le mélange qui reste d'huile et de sucre. Et il faut les enfourner pour environ 45 minutes. Après, pendant que les piments vont cuire, il faut hacher les pistaches et dessaler les câpres parce qu'ils sont beaucoup salés quand ils sont au sal. Et bon, quand est passé 45 minutes, il faut sortir les piments du four et on peut mélanger avec une fourchette le fromage avec le sucre caramélisé qui se trouve au fond du plat où on a cuit les piments. Et bon, à ce point, il faut prendre la préparation de fromage. Il faut la mettre dans une petite poche d'huile. Et après, il faut garnir les petits piments confits avec cet fromage. Et après, il faut refermer les cornes des piments et avec les câpres et les pistaches. Et voilà, c'est fait. Ah, mais très bien. Très bien. En plus, à cette heure-là, ça donne envie. Hein. Ah ouais. Hein. Ils sont très piquantes, mais quand même, il y a aussi les sucres. Donc, il va adoucir un petit peu les piquants. Et donc, c'est bien. Donc, celle-là, c'est un plat qu'on peut utiliser comme apéritif. Oui, comme apéritif ou bien dans les jeux dont je parlais avant. Ok, ok. Et bon, je profite de ta présence donc en direct pour te demander aussi, donc comme on disait tout à l'heure, la funky ménagère donne aussi des petits conseils pour la vie quotidienne et pour résoudre les petits problèmes qui se passent à la maison. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un conseil que tu as envie de nous livrer? Ben bon, comme on parle de cuisine érotique, je vous donne aussi un conseil toujours dans les domaines érotiques. Okay. Et bon, les conseils, c'est celui. Donc, imaginons qu'on a fait un dîner, on serait avec la cuisine érotique. Et lors d'une performance rocambolesque avec votre partenaire, vous avez renversé accidentellement une bougie. Tâchons aussi votre tapis ou notre tissu avec la cire. Donc, les conseils funky, il faut avant tout attendre que la cire soit bien sèche et qu'elle forme une espèce de croûte dure. Mm-hmm. Ainsi, vous aurez un double bénéfice. Vous n'allez pas interrompre l'atmosphère chaude et sexy et vous réussirez à enlever la cire. Disons donc que le lendemain, vous vous procurez quelques feuilles de papier absorbantes, résistantes à la chaleur. Et, par exemple, les papiers Bouvard ou les sacs en papier qu'utilisent les boulangers pour les pains. Et allumez un fer à repasser. Donc, il doit devenir aussi chaud que vous, la vieille. Vous devez ensuite bien gratter les taches à l'aide d'une lime ou d'un petit couteau pour retirer au maximum des cires en faisant attention de ne pas abîmer les tissus. Quand il ne reste plus que la cire, impossible à enlever, posez les tissus sur la table à repasser en faisant attention de mettre une feuille de papier absorbante sous les tissus et une autre sous la partie à traiter. Prenez les fers bien chauds et faites-le glisser sur les papiers. Vous devez être toujours en mouvement pour que la cire se décolle. Et voilà, vous assisterez au miracle de la cire qui, en fondant, collera au papier et se détachera du tissu. Et comme ça, on a sauvé le tapis et la soirée aussi. Voilà, c'est ça. En italien, on dit « due piccioni con una fava ». Je ne sais pas le traduire en français. À vous de le traduire. Ah là, ça va être difficile pour moi. Je vais y réfléchir. Donc, c'est ça pour la prochaine émission, la traduction de cette devise. Donc, je te remercie d'avoir été avec nous et je me permets aussi de te souhaiter bonne chance parce que j'ai su que vous allez sortir peut-être un livre de cuisine érotique. Oui, c'est donc, ça. Donc, j'en dis pas plus. Oui, mais, on va travailler dans ces mois ici. Donc, bonne chance. Et quand le livre sera sorti, ce sera un plaisir pour nous de t'avoir encore à l'émission. Bien sûr, et je vous remercie beaucoup et j'espère de venir très, très vite à Paris et pouvoir vous faire essayer les plats directement à la radio, voilà. Ah ben oui, ce sera parfait ça. Ok, très bien. Merci et encore. Bonjour à tout le monde, comme tu dis toujours. Tu peux le dire en italien aussi, hein? Un funky ciao à tutti. Ciao funky Zdaura. Ciao, grazie. Ciao, merci bien. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Alors, on s'est bien marré pendant cette entrevue. Donc, on a quelques suggestions pour les prochaines soirées. Donc, voilà, merci encore donc à la Funky Zdaura. Et maintenant, on passe par contre à parler un peu plus de littérature et de cuisine. Donc, on a avec nous Élise Cruot, que je remercie d'être ici. Bonjour, merci. Bonjour. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va un petit peu parler de ta rencontre avec un poète chinois dans un potager, et d'où est né le livre Artichaut. Oui. Alors, oui, Artichaut, c'est un livre que j'ai publié en début d'année dans ma maison d'édition qui s'appelle Nihil Obstat. Mm-hmm. Et cette histoire est née parce que le poète, enfin, on s'est retrouvés. Moi, j'avais déjà une bonne passion pour l'artichaut, puis j'avais toujours été intriguée par cette expression, avoir un cœur d'artichaut. Mm-hmm. Et. Voilà, et au jardin potager, un jour j'ai cueilli des artichauts et je les ai posés sur la table une fois que je les avais cuisinés. Et ce monsieur, ce poète de Hong Kong, s'est trouvé complètement désemparé et a éclaté de rire en voyant les artichauts. Donc, moi je me suis mise à effeuiller. T'étais un peu étonnée quand même de sa réaction. Voilà, complètement. Et donc il m'a dit, mais est-ce que c'est vraiment ça un artichaut? Je lui dis, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Et lui, il disait, mais on le mange toujours comme ça? Alors j'étais en train d'effeuiller cette bête mm-hmm. étrange. Et puis je dis, non, il y a plein de façons de le manger. Parfois il est petit, parfois il est plus gros. En France, souvent il est gorgé d'eau parce qu'il pleut. Alors on a des gros artichauts, mais en Italie, ils sont plus petits. On les mange parfois crus, etc. Et alors. Ce poète qui était en résidence d'écriture, en fait, dans un monastère à la frontière franco-italienne, où il y avait un jardin potager, m'a raconté son histoire avec l'artichaut. Et donc, c'est à partir de là que tu as eu l'idée d'écrire ces livres. Voilà, parce qu'en effet, le poète m'a dit tout de suite, j'avais jamais vu ce que c'était qu'un artichaut. Je savais ce que c'était parce que j'avais lu, par exemple, Pablo Neruda, j'avais lu L'Ode à l'artichaut, mais j'avais jamais eu l'occasion de voir le légume. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est quand même une belle histoire d'avoir un poète qui découvre ce qu'est un mot qu'il a déjà rencontré, mais il n'en avait jamais vu l'image. Et donc, Leung Ping Kwan, c'est un écrivain qui travaille beaucoup sur les éléments du quotidien, la cuisine, et il transpose tout ça dans les formes de la poésie classique chinoise. Et donc, je lui ai proposé d'écrire ce poème. Et, donc, il a écrit exprès pour ton livre. Voilà, c'est ça. Okay. Et puis, j'ai essayé de renouveler l'expérience qu'il venait de vivre. C'est-à-dire, j'essayais d'imaginer, et moi, si je ne savais pas ce que c'était qu'un artichaut, qu'est-ce que je pourrais imaginer en lisant un poème de quelqu'un? Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vois? Je vois une forme ronde, coiffée d'une pointe, différentes feuilles, des écailles, des étoffes superposées, couvrant un fond velu et doux. Sous le foin, on trouve un cœur tendre et comestible, d'un goût sucré et minéral à la fois. Je me suis dit, il faut reconsidérer l'artichaut. Il faut regarder de nouveau l'artichaut et le goûter. Et rien n'est plus sensuel qu'un artichaut, finalement. Et bon, cette découverte voilà, avec le poète, ça m'a aussi donné l'idée de, que pour nous, au contraire, les artichauts, ça faisait partie d'une tradition classique dans la peinture. Et on en avait vu partout, dans les grandes scènes de chasse, toute la peinture du XVIIe siècle, avec les natures mortes, les gibiers, les marchés, etc. Et je pensais à un ami peintre à Paris qui travaille justement sur des trompe-l'œil. Donc je me suis dit qu'on pourrait lui proposer de travailler sur l'artichaut et de raconter les métamorphoses de ce légume qui est en réalité une fleur et voilà, qui va éclore. Alors, donc c'est ce qui s'est passé. Le peintre a peint et le poète a écrit. Et donc, ben moi, je vous propose de lire le mais poème. Oui, on aimerait bien donc entendre le poème du poète. Voilà. Alors, Leung Ping Kwan, donc poète de Hong Kong, et c'est dans une traduction de Annie Bergeret-Curien, qui est chercheuse au CNRS. Ok, on t'écoute. Habitué à conserver ses sentiments, il n'a pas l'air de la tomate qui mordue jaillit entièrement. Pas non plus l'air du durillon qui propage une odeur prégnante. L'artichaut est discret. Portant son histoire, il éprouve ta patience. L'artichaut est un peu hors de saison. De prime abord, il ressemble à une lanterne en forme de lotus. S'offrant dans son dogme, posé devant nous, il n'a pourtant rien de mystérieux. Il ne vole pas. Il ne peut pas, comme une pièce d'artifice, éclater au firmament, comme une fusée dans le ciel changer le temps. En silence, il siège dans l'ébrasement de la fenêtre. Sans le dire, il aime un chrysanthème étincelant. Il voit ses larmes du matin, éprouvant le soleil ardent, déployer dans le crépuscule une âme lumineuse. Il perçoit toutes ses qualités, mais il pense qu'il préfère sûrement le tournesol, le chrysanthème aux pattes de crabe à l'allure provocante. C'est pourquoi l'artichaut demeure simplement là. Il est un peu lent, il est un peu vieux jeu. Dans sa lourde cuirasse, il ne peut pas prendre le pas de danse du monde. Il hume délicatement les belles teintes environnantes, mais il sait aussi qu'il faut une saveur singulière pour que soit apprécié le vert foncé, ceint d'un liseré brodé. Les tendances et les normes changent sans cesse. L'artichaut, qui est passé par tant d'épreuves, connaît les méandres des sentiments humains. Flatterie, mépris, bontés et beautés. Il est persuadé qu'il peut toujours aimer. Il continue néanmoins de s'envelopper fort. Être à même de voir le cœur tendre vert de l'artichaut est malaisé. Seulement, parfois, sans crier gare, sur son dôme surgissent tout à coup des fleurs en fil bleu vif. Merci Élise, merci vraiment de ce beau poème. Et donc là, je ne pense pas qu'on aura le temps de lire une recette. Je demande aussi à Daniel la technique. Oui, non, malheureusement, on est un peu court dans les temps. Donc ce sera au moins que tu nous donnes juste une envie, une recette très très rapide. Et puis on passe à... Alors, cet artichaut, il a traversé tous les continents et on retrouve son origine autant chez les Siciliens que les Grecs et les Arabes. Et même le mot artichaut, carciof en italien, vient de l'arabe al-carchouf. Et donc là, donc en fait, on trouve des recettes un peu partout dans le monde. Voilà. Et donc, et en Italie, on abonde, on a des centaines de recettes. Donc, en choisir une à la volée. C'est pas facile, en fait, quand on a le choix, parce que, bon, vous ne voyez pas, mais Élise, elle est en train de feuilleter un livre plein de recettes qu'on prépare, donc, avec les artichauts, à partir des pâtes. Je sais pas si... Bon, on va peut-être mettre... Bon, moi, je propose de les mettre sur le site, en fait, les recettes. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Comme ça, vous allez donc les consulter sur notre blog, que d'ailleurs, comme ça, je vous rappelle que c'est donc envie-d'Italie-fpp-radio.wordpress.com. Et maintenant, on passe juste un morceau tiré du film Soul Kitchen de Fatih Akin, qui a gagné l'Ours d'Or à Berlin. Donc, vous écoutez Get the Money de Mongo Santa Maria. Computer miserable. Alors, nous voilà à nouveau. Donc, merci encore à Elise. Et maintenant, juste une petite intervention sur les last minute market, parce qu'en fait, quand on parle de nourriture, on parle souvent aussi de gaspillage. Et donc, la question est comment faire face à ces problèmes. Une solution a été proposée par l'Université de Bologne, donc en Italie, avec leur last minute market. Et en fait, à partir de 2003, il y a eu un projet de recherche qui s'occupait d'analyser tous les passages des filières alimentaires et de comprendre pourquoi les gaspillages se produisent. Et donc, c'est justement à partir de cela qu'ils ont mis en place un premier système professionnel de réutilisation des biens vendus de la grande distribution. Donc, en fait, le modèle adopté par les last minute market permet de récupérer en toute sécurité les produits invendus et même des produits fraîches. Donc, ils font les liens, disons, entre les entreprises qui sont intéressées et pour récupérer les produits invendus. Et puis, je pense qu'on est en train de terminer l'émission. Donc, vite fait, je vais juste vous donner un conseil de la part de Véronica, qui n'a pas pu être là ce soir. Donc, elle vous conseille de lire les livres de Jonathan Safran-Foer et qui s'appelle « Faut-il manger les animaux ?» aux éditions L'Olivier. Je vous remercie et on se voit la prochaine fois, le 4 juillet. Bonsoir. Bonsoir Élise, tu voulais dire quelque chose? Je voulais remercier Envie d'Italie et Fréquence Paris Pluriel. Au revoir tout le monde et au 4 juillet. Au revoir. Make a picture of for your wife. So for my personal part.